Je t'aime sous les lumières de la ville. Oh, sous les lumières de la ville. Le diable n'est jamais tranquille. Oh, jamais tranquille. Et les sourires sont rares et fragiles quand je me faufile sous les lumières de la ville. Tout ça se termine, rue de la peine. Rue de la peine. Rue de la peine. Rue de la peine. Tout ça se termine, rue de la peine. Rue de la peine. Rue de la peine. Rue de la peine. Tout ça se termine, rue de la peine. Rue de la peine. J'avais rue de la peine. Rue de la peine. Tout ça se termine, rue de la peine. Rue de la peine. J'avais rue de la peine. Rue de la peine. Pour crêcher rue de la paix. Ils se font la guerre. Finissent rue de la plaie. La peur au ventre. Coincé rue de l'angoisse. Comme Béné. Une carie tout dans l'impasse. Personne ne veut finir rue de la caf. À crever de faim. La gorge sèche rue de la soif. Rendez-vous pris rue de la pègre. Dans une ruelle parallèle au quai des orfèvres. Rue des rêves brisés, rue des oubliés. Entre l'allée des tuyas et l'avenue des peupliers. Rue de la craie, rue des meurtriers. Rue du sang, rue du seum, rue de la C. Où le meurtrier fréquent. Rue des mauvais garçons, rue des mauvaises fréquentations. Rue de la solitude, je marche seul sans personne. Rue de la peine, je te jure plus rien ne m'étonne. Je passe devant la rue des condamnés, j'entends les cris qui résonnent. Des épines et des fleurs fanées que la rue emprisonne. Oh j'habite rue de la peine. Rue de la peine. J'habite rue de la peine. Rue de la peine. J'habite rue de la peine. Rue de la peine. J'habite rue de la peine. Rue de la peine. J'habite rue de la peine. Place de la Bastos, des gros gamos, les balles s'échangent comme un Roland Garros. Rue de la Fonte, rue de la Fonce, à l'intersection de la rue des Cassos, hein. Guet-apens, rue des Sentences, hein. Au carrefour de la Vengeance, hein. Les petits veulent prendre leur revanche, hein. Ils ont sniffé la ligne blanche, hein. Tu comprends, hein, hein. Exécution sur le boulevard des Indiques, hein, hein. Y'a ni compassion, ni assurance, ni avocat, ni syndic, hein. Rue de la Mémoire, tout près de la rue des Rancuniers, à l'angle de l'avenue de l'Espoir. Pourtant c'est là que tu te fais fumer, c'est trop tard. Trop tard, trop tard, tu te fais fumer, avenue de l'espoir. Meurtri sont les regards, à l'étroit, dans les couloirs. Ici, les gosses pensent qu'ils n'ont rien à perdre. On n'a pas la tête en l'air quand on marche dans la merde. Des cul-de-sac et des impasses, des vautours et des rapaces. Entre les âmes perdues et les cœurs de glace, on se marche dessus, y'a pas de place. J'habite de la peine. J'habite rue de la peine. Rue de la peine. J'habite rue de la peine. Rue de la peine. J'habite rue de la peine. Rue de la peine. Tout ça se termine rue de la peine. Rue de la peine. Rue de la peine. Rue de la peine. Tout ça se termine rue de la peine. Rue de la peine. Rue de la peine. Rue de la peine. J'habite rue de la peine.